Chapitre 9. Le lendemain, Chausse-Rouge, plus calme, ne sortit pas de la ménagerie. Il retrouva Jean Tabary à son poste et il se sentit pris, à sa vue, d'une sorte de confusion. Était-il au courant de la scène de la veille? Mais le régisseur ne laissa rien paraître dans sa manière d'être, ni dans son attitude, qui put faire supposer au dompteur que sa mère lui avait raconté ce qui s'était passé. Au fond, François éprouva une honte et un dépit dont il n'était pas maître. Il s'était montré insolent et brutal, inutilement. Comment Louise accueillerait-elle sa nouvelle proposition? Il était dévoré du désir de la revoir, de lui parler. Il eût voulu savoir si elle lui tenait rancune. Il ne se sentait ni la force ni le courage de se présenter devant elle. Enfin, le soir, un peu avant l'heure du dîner, il n'y tint plus. Il venait de donner sa représentation de jour. Il se déshabilla rapidement et se dirigea vers l'entresort. Louise Tabary était assise à son contrôle. Il rougit à sa vue, s'approcha. Elle lui tendit la main. « Te voilà, toi, homme terrible, » dit-elle en souriant. « M'en as-tu assez dit hier soir? Et pourtant, si je t'avais cédé, tu ne serais pas là maintenant. » Chausse-Rouge sentit tout son courage renaître. On ne lui en voulait pas de son incartade. « Non, » riposta-t-il galamment, « j'y aurais été plus tôt. C'est gentil à toi ce que tu dis là. Vous m'aimez donc toujours un peu? Ne me force donc pas à te le répéter. Mais tu le sais bien, il y a des scrupules, » ajouta-t-elle en soupirant, dont on n'est pas maître, et tant d'obstacles nous séparent. Je les supprimerai. Supprimeras-tu ta femme, ton enfant? En quoi notre amour peut-il leur causer un préjudice? Si nous nous aimons, cela ne regarde que nous. Après, tu me trouveras vieilli. Tu te repentiras d'avoir obéi à un caprice passager. Tu t'es bien lassé de ta femme, qui est plus jeune. Tu te lasseras encore plus vite de moi, et alors je serai seul à souffrir. Non, tu sais, François, c'est très sérieux. Comme tu me l'as dit si méchamment hier, j'ai bien eu d'autres amants, dont j'ai à peine gardé le souvenir, mais avec toi, vois-tu, non, je le sens, ça serait trop grave. « Bien vrai, » demanda Chausse-Rouge radieux, « vous pensez bien ce que vous dites là ?»« Assurément, mais que me trouves-tu donc de si attrayant ?»« Oh, si vous saviez, hier, quand je vous ai tenu dans mes bras, je ne peux pas vous expliquer, moi, vous sentez bon la femme. »« Passionné, va, » dit Louise Tabary en souriant, « appelez-moi comme vous voudrez, dites que je suis fou, ça m'est égal. » « Rudoyez-moi, demandez-moi ce que vous voudrez, mais laissez-moi espérer. »« Il faut toujours espérer, » dit Louise d'un ton impénétrable. « Alors, dites, pour que nous puissions causer mieux qu'ici, quand est-ce que je vous verrai seul ?»« Ça, c'est plus grave. »« Oh, si, dites, quand ?»« Eh bien, » dit Louise, très bas, « quand tu voudras. »« Le soir, je suis toujours seul, dans ma roulotte, après la représentation. »« Merci, » cria Chausse-Rouge, et il s'enfuit. 6 heures sonnaient quand il arriva à sa caravane. Toute la soirée, il resta préoccupé, plein de fièvre. À chaque instant, il consulta sa montre. Il avait décidé que le soir même, il mettrait à profit la bonne volonté de Louise. À peine s'il prit le temps, après la représentation, d'assister au repas des animaux. « J'ai affaire, » dit-il à Jean. « Tu veilleras à ce qu'on ne parte pas sans que tout soit en ordre. »« Compte sur moi, » répondit le jeune homme, avec un sourire plein de sous-entendus. « Ah ça, se douterait-il de quelque chose ?» pensa Chausse-Rouge, en se glissant hors de la ménagerie. Après tout, tant pis, il a tout intérêt à ne pas vendre la mèche, puisqu'il s'agit de sa mère. Toutes les lumières étaient éteintes. Seuls quelques rares becs de gaz répandaient leur lueur jaune et blafarde le long de l'avenue qui borde l'esplanade. François se glissa silencieusement entre les caravanes sombres. À son approche, les chiens à la tâche sous les voitures aboyaient, puis se taisaient, dès qu'ils avaient reconnu dans l'homme qui passait un du voyage. Il atteignit enfin la roulotte des Tabary. Une petite lumière dansait derrière la vitre de la fenêtre. Il frappa. Presque aussitôt, la porte s'entr'ouvrit et une voix se fit entendre. « Entre, François !» Louise était debout en peignoir rose, plus attifée et plus souriante que jamais. « Tu m'attendais ?» demanda Chausse-Rouge, plus émue qu'il ne voulait le paraître. « J'étais sûr que tu viendrais ce soir, » répondit simplement Louise Tabary. Elle s'assit dans un fauteuil, à la même place que la veille, et elle voulut faire asseoir Chausse-Rouge près d'elle. Il ne prit pas garde à son invitation. Il s'avança, les yeux brillants, les bras ouverts, et voulut la prendre. « Oh, c'est gentil à toi de m'avoir permis de venir !» Mais elle le repoussa doucement. « Laisse, je t'en prie, j'ai déjà des remords. »« Des remords, pourquoi? Parce que je t'aime? Non, vois-tu, nous allons commettre peut-être une mauvaise action. »« Dans tous les cas, une imprudence. »« Qu'ai-je fait en te cédant? En te permettant de venir me retrouver ici? Je t'ai détourné de ton ménage. » Et Dieu sait quels ennuis pourront en résulter pour toi. Quel regret, peut-être, ma faiblesse t'aura à préparer. J'accepte tout, riposta François, qui s'était agenouillé au pied de Louise et qui pressait ardemment sa taille entre ses mains, les yeux fixés dans les yeux de sa maîtresse. « Bien, mais tu ne me connais pas. Tu acceptes peut-être dès à présent des éventualités devant lesquelles tu reculerais, si tu savais à quoi tu t'exposes. C'est parce que je m'en rends compte que j'hésite. » « Que veux-tu dire ?» demanda François, étonné du ton subitement sérieux de Louise Tabary. « Écoute donc, reprit-elle. Certes, j'ai fait toute ma vie ce que j'ai voulu, sans m'inquiéter de l'opinion des gens. Pour arriver au point où j'en suis, je n'ai reculé devant aucun scrupule. J'ai eu des amants, Boyer Rouge et bien d'autres, parce que ma situation le commandait. Mais l'intérêt seul me guidait, et je suis toujours resté maîtresse de mon cœur. Dernièrement, quand j'étais revue, je me suis senti poussé vers toi, par un sentiment que je n'avais jamais éprouvé, même pour Tabary, dans les commencements de notre liaison. Il m'avait pris Glamine à une époque où j'étais malheureuse, et je n'avais guère pour lui autre chose que de la reconnaissance. Boyau Rouge, lui, m'a prise par l'essence, mais j'ai retrouvé chez nombre d'amants les mêmes sensations, sans m'attacher plus à eux qu'à lui. Je l'ai donc quitté sans regret. Toi, au contraire, toi qui n'as encore rien été pour moi, tu t'es rendu maître dès le premier instant de mon être tout entier. Je t'aime parce que tu es beau, parce que tu es brave, parce que tu es toi. Je t'aime, et la preuve, c'est que je n'ai pu m'empêcher de te le faire comprendre, de te le dire. La preuve, c'est que je suis prête à me donner à toi. Mais prends garde, c'est un malheur d'être aimé pareillement par une femme comme moi. Quand tu auras été à moi une fois, je voudrais te garder tout entier. Je serai jalouse, jalouse de tout ce qui t'entoure, jalouse de ceux qui t'aiment. C'est affreux à dire, jalouse de ta femme, de ton enfant. À mon âge, tu sais, les passions sont plus fortes, l'amour plus ardent, et la haine plus vivace. La pensée continuelle, opiniâtre, qui m'a fait reculer jusqu'à ce jour, c'est la pensée qu'une autre pourra te posséder après moi. Je me sens capable de tous les sacrifices, mais aussi de toutes les fureurs. J'irai jusqu'au crime, peut-être pour te conserver, pour moi seul. Interroge-toi bien, tu es mon premier, tu seras mon dernier amour. Te sens-tu le courage d'affronter une situation qui serait pour toi un supplice de tous les jours, si tu venais une belle fois à te détacher de moi? Parle maintenant. Veux-tu encore de moi ?» Louise Tabary avait récité cette tirade tout d'une haleine, comme une leçon apprise. Tout autre que François eût reculé, ou du moins demandé à réfléchir, devant une pareille menace. Elle ne fit que fouetter la passion de l'amoureux dompteur. « Tout, tout, j'accepte tout, pourvu que tu sois à moi. » « Et tu me jures de n'aimer jamais une autre femme que moi ?» demanda l'astucieuse foraine. « C'est pour Amélie que tu dis cela ? Eh bien, à ton tour, écoute. Tout ce que je t'ai laissé entendre l'autre jour était la vérité. J'ai fait, en me mariant avec elle, une imprudence, puisque cela, une bêtise. Je croyais l'aimer, et j'étais poussé par mon père. Aujourd'hui, je m'aperçois que je me suis trompé. Je n'ai jamais ressenti pour elle ce que je ressens pour toi. Tu vois bien, puisque nos sensations sont identiques, que nous étions faits l'un pour l'autre. Rattrapons donc le temps perdu. Laisse-moi t'aimer. Oui, je serai à toi. Toujours rien qu'à toi. » Amélie, je la déteste, je la hais depuis que je te connais. » Il se leva, et dans un élan furieux de passion, il prit dans ses bras sa maîtresse, qui cette fois, les yeux fermés, se laissa faire et commença à la délasser. La poitrine de Louise se soulevait. François posa ses lèvres sur cette gorge palpitante. Tout à coup, une pensée subite traversa son esprit. « Et Jean, » fit-il à l'oreille de Louise, « Jean ne viendra pas. » Sans répondre, le dompteur d'un revers de main éteignit la lumière. L'aube surprit les deux amants aux bras l'un de l'autre. Il faisait grand jour quand François Chausserouge sortit de la caravane des Tabary. Il était étourdi, grisé par la nuit qu'il venait de passer. Certes, dans sa vie, il avait eu bien des maîtresses, mais jamais aucune qui eût à ce point énervé ses sens, fait vibrer tout son être. Il marchait sans idée, la tête vide, mais confondu devant une expérience telle, une science si profonde, qu'il n'aurait jamais osé le soupçonner. Délicieusement caressé par le souvenir de ses heures d'extase, n'ayant qu'une idée, les revivre aujourd'hui, demain, toujours. Ah, Louise pouvait maintenant lui demander un serment de fidélité. C'est lui qui viendrait la supplier de n'être jamais qu'à lui, à lui seul. C'est lui qui ne reculait devant rien, pour s'assurer l'éternelle possession de cette femme, jamais rassasiée, en qui semblait s'incarner la joie de vivre. Qu'était-elle venue la veille lui parler de l'autre ? Une colère le secouait à la pensée qu'Amélie serait désormais l'éternel obstacle à un bonheur qu'il eût voulu avouer, rendre public. En cet instant, et il ne fut pas maître de réprimer ce sentiment, la nouvelle de la mort de sa femme l'eût soulagé. Après tout, la vie est courte, pensa-t-il, comme pour se justifier vis-à-vis de lui-même. Est-ce donc un crime de rechercher au dehors les satisfactions que je ne puis trouver chez moi? Je travaille assez, et j'ai eu assez de déboires pour qu'il me soit permis de ne négliger aucune des occasions qui peuvent s'offrir d'oublier les ennuis de l'existence. C'est dans ces dispositions qu'il regagna la caravane, où, déjà levé et les yeux rougis par les pleurs, Amélie l'attendait. « Bonjour, » fit-il en jetant son chapeau sur le lit. « J'ai été bien inquiète toute cette nuit, » fit doucement la jeune femme. « Je craignais qu'il ne te fût arrivé quelque accident. »« Suis-je donc un enfant ?» riposta rudement Chausse-Rouge. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Si je ne rentre pas, c'est que j'ai affaire ailleurs. »« Tu ne m'avais pas averti. Aussi je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. 100 fois je suis descendu, pour voir si je ne t'apercevais pas. J'ai pris froid et ce matin je tousse. C'est de ta faute, il fallait te coucher. François, tu es dur. Tu me fais bien de la peine. Songe donc, c'est la première fois que tu demeurais une nuit entière dehors. Oh, mais j'espère que tu ne vas pas recommencer à gémir. On dirait, ma parole, que tu as à te plaindre. Que te manque-t-il? François, quelque chose se passe en toi que je ne puis m'expliquer. Tu ne m'aimes plus. En entrant tout à l'heure, tu ne m'as même pas embrassé. S'il n'y a que cela, c'est facile. Et distraitement, du bout des lèvres, pressé d'en finir, comme s'il eût accompli une corvée, il effleura la joue de sa femme. « Tu es contente maintenant? Eh bien, fiche-moi la paix. Tu ne demandes pas de nouvelles de ta fille? Cézette? Eh bien, comment va-t-elle? Elle a passé une assez bonne nuit, mais elle tousse toujours. C'est bien, il n'y a rien de nouveau à part ça? Non, rien. J'ai faim, donne-moi à déjeuner. » Il but et mangea sans rien dire, la pensée absente, l'œil vague. Assise auprès de lui, se levant à chaque instant pour le servir, Amélie l'observait en silence, touchant à peine au mets qu'elle avait préparé. « Pourquoi ne manges-tu pas ?»« Je n'ai pas faim. » Chausse-Rouge haussa les épaules, puis quand il eut fini, il se leva, prit son chapeau et se disposa à sortir. Amélie s'arma de courage. Elle se planta devant son mari. « Tu ne seras pas trop longtemps absent, n'est-ce pas ?»« Je serai absent le temps qu'il faudra, » répondit-il en l'écartant. « François, » dit alors résolument la jeune femme, « tu ne sortiras pas avant que nous ayons eu tous les deux une explication. Pourquoi ne m'aimes-tu plus ? T'ai-je donné des motifs qui puissent justifier l'abandon où tu me laisses, seul avec notre enfant malade ? Réponds-moi, est-ce que tu en aimerais une autre ?» Le dompteur croisa ses bras sur sa poitrine. « Ma chère Amélie, » dit-il, « je sais ce que j'ai à faire. Si tu veux que nous restions bons amis, il ne faut pas m'assassiner de tes questions, ni de tes reproches. Je suis en âge de me conduire. » « Tu ne vois donc pas que je fais tout ce que je peux pour ne pas te laisser voir combien le chagrin me dévore. Mais il est des heures où j'étouffe, alors c'est plus fort que moi. Pardonne-moi. Mais laisse-moi te parler. C'est l'amour que je te porte qui dicte mes paroles. François, tu es sur une mauvaise pente. Tu étais meilleur pour moi avant notre rentrée à Paris. Si parfois tu me traitais durement, tu savais si bien me faire oublier tes duretés. Aujourd'hui, ce que j'avais prévu est arrivé, depuis que tu as introduit ici Jean Tabary. « Tais-toi, tais-toi !» interrompit le dompteur. « Je te défends d'accuser Jean Tabary. Il est mon aide, mon second. Il est un autre moi-même. Mais il n'est en aucune façon responsable de ma conduite. Encore une fois, je fais ce que je veux. Donc, trêve à tes pleurnicheries et laisse-moi passer. Tu aimes quelqu'un, François? Puisque tu me forces à te le dire, je suis jalouse, et ma souffrance est si grande que je ne puis la contenir. Agis donc comme tu l'entendras, mais laisse-moi pleurer. Laisse-moi te dire quelle peine tu me fais. » Oh, cette femme, si je la connaissais, cette femme qui est venue me prendre mon bonheur. Tu ne la connaîtras pas, ricana le dompteur. Amélie redressa la tête. Son mari avait avoué. Donc il avait une maîtresse, avec qui il avait passé la nuit. Et c'est au sortir de ses bras, encore plein de son souvenir, qu'il venait lui jeter le sarcasme à la face. Et c'était chez elle qu'il passerait peut-être la nuit prochaine, les autres. Et personne à qui compter sa peine. Ah, si Chausse-Rouge, le père, eût été là! Comme tout eût changé, et comme il eût su imposer sa volonté. Mais hélas, elle était seule et sans force contre cet homme, si faible avec les autres, et qui ne trouvait de courage que pour la braver et l'humilier. Eh bien non, ce ne serait pas. Elle aussi, elle était une enfant du voyage. À la rude école de son père, elle avait appris à avoir de l'énergie, quand il le fallait. On voulait lui enlever l'affection de son mari, elle défendrait son bien. Comme pour la seconde fois, Chausse-Rouge se dirigeait vers la porte. Elle le saisit par le bras, et les yeux brillants de fièvre, elle lui cria « Eh bien, nomme-la donc, cette femme, si tu l'oses !»« Ah, tu sais, tu m'embêtes !» riposta le dompteur en se dégageant. Puis, à son tour, il lui mit la main sur l'épaule, la rejeta rudement à l'intérieur de la caravane, et sortit en claquant la porte. À travers la vitre, Amélie, vaincue et brisée, suivit de l'œil son mari qui s'éloignait. Elle le vit entrer dans la ménagerie. Alors, sûre qu'il n'allait pas à un nouveau rendez-vous, elle s'accouda à la table et resta longtemps abîmée dans les larmes. Le soir, craignant sans doute encore une nouvelle scène, Chausserouge ne fit à la roulotte qu'une courte apparition. Il mangea du bout des dents. Amélie ne dit pas un mot, mais on sentait qu'elle avait pris un grand parti. Quelques instants après que Chausserouge se fût rendu à la ménagerie, elle s'assura que Zizette dormait bien, et elle l'y suivit. Là, dissimulée dans un coin, elle observa les spectateurs, les spectatrices, espérant saisir au passage un signe d'intelligence, qui put être pour elle un indice. Elle voulait savoir, elle voulait connaître sa rivale. Son manège n'échappa pas à Jean Tabary, qui en prévint le dompteur. « Tu as donc eu des histoires dans ton ménage? On dirait qu'elle est jalouse. Si tu voyais la paire de yeux qu'elle envoie à chaque cliente qui passe... »« Si elle est jalouse, répondit François, faut espérer que ça lui passera. Dans tous les cas, ce soir, elle peut reluquer tout ce qu'elle voudra. Elle est sûre de faire chou blanc. » « La particulière n'est pas là ?» demanda Tabary d'un ton très innocent. « Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas en train d'y venir, » répondit le dompteur, très satisfait de voir que Jean ne paraissait au courant de rien. « Je me cache mieux que ça, quand je fais mes farces. » À minuit, quand il eut quitté son costume et qu'il se fut assuré qu'il laissait tout en ordre, il reprit comme à la veille le chemin de la caravane de Louise. Il allait l'atteindre et se préparer à frapper quand une ombre se détacha d'un arbre et lui barra le passage. « C'est chez Louise Tabary que tu as été hier, et c'est chez elle que tu reviens aujourd'hui, » fit une voix qu'il connaissait bien. « Eh bien, je suis là, moi. Je suis ta femme, tu n'iras pas. » Et Amélie, passant son bras sous celui de son mari, chercha à l'entraîner. Surpris et un peu abasourdi par cette brusque apparition, François Chausserouge ne sut d'abord que répondre. Toutefois, il recouvra rapidement son sang-froid. « Alors, tu m'espionnes ? » demanda-t-il. « Au lieu de t'occuper de ton ménage, de veiller sur ta fille malade, tu cours les rues, afin de savoir où je vais, ce que je fais. Je ne veux pas de ça, file, et que je ne te retrouve plus sur mes pas. » Il se contenait, apportant dans ses paroles une sorte de modération, craignant que dans le silence de la nuit, le bruit d'un scandale n'éveillât les forains endormis, et ne les attirât sur le seuil de leur caravane. Mais sa voix tremblait de colère. « Va-t'en, répéta-t-il encore une fois, va-t'en, ou ça va tourner mal. » « Je ne m'en irai pas sans toi, » fit Amélie en s'accrochant désespérément au bras de son mari. « Je t'en prie, François, au nom de ton père, au nom de notre ancien amour, au nom de notre enfant, ne me laisse pas retourner seul, reste avec moi. Je te dis de me lâcher et de partir, j'ai affaire. Tu vas chez la Tabary, elle est ta maîtresse maintenant, cette femme avec qui tout le voyage a couché, qui pourrait être ta mère. Ah, c'est trop de honte. Eh bien non, je ne lui céderai pas une place qui m'appartient. Je crierai, j'appellerai... Je dénoncerai à tous cette femme qui m'a pris mon mari, et tandis que tu seras chez elle, je resterai assise dehors, sur les marches de sa roulotte. Non, une fois de plus, je ne partirai pas sans toi. » La main de Chausserouge serra à le briser le poignet de sa femme. Une fureur l'étranglait, tempérée par la peur du scandale. « Tais-toi, » balbutia-t-il frémissant, « tais-toi ou je cogne. » « Eh bien, frappe-moi, j'aime mieux ça, mais tu ne m'empêcheras pas de me révolter. » Elle n'acheva pas. Les doigts du dompteur l'avaient saisi à la gorge et la serraient à l'étouffer. « Te tairas-tu, sale bête, te tairas-tu ? » Puis, prenant rapidement une résolution soudaine, il l'entraîna du côté de la ménagerie sans un mot. Il marchait vite, soutenant ou plutôt traînant après lui la malheureuse qui trébuchait à chaque pas. Arrivé à sa caravane, il lui fit monter les marches, ouvrit la porte et brutalement, il poussa à l'intérieur la jeune femme qui tomba à la renverse sur le plancher de la voiture. Alors, donnant enfin un libre cours à sa fureur dans l'obscurité, il s'acharna sur sa victime, la piétinant, la frappant sans mesure, sans relâche, comme il frappait ses bêtes quand elles refusaient d'obéir. Fatigué enfin de frapper sur ce corps inerte qui n'opposait aucune résistance, il alluma une bougie, releva la pauvre Amélie et la jeta sur le lit. « Je pense maintenant que tu seras corrigé de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Il y en a autant pour toi chaque fois que ça t'arrivera. » Il ressentait pour la misérable une haine féroce, la rendant responsable de tout ce qui lui arrivait d'être désagréable, se vengeant sur elle, qui n'offrait aucune défense de la suggestion dans laquelle il était inconsciemment maintenu d'autre part. Il vengeait sur elle son autorité perdue, comme s'il eût été heureux de saisir cette occasion de se prouver à lui-même qu'il était resté le maître. Et il était aidé, poussé dans cette revanche, par la passion sensuelle que Louise Tabary avait su faire naître, et savait si bien entretenir au fond de son cœur. Toutefois, quand il vit sa femme étendue sans force, à moitié nue sur le lit, son visage boursouflé, couvert d'ecchymoses et inondé de larmes, la poitrine soulevée par les sanglots, il eut une minute d'hésitation. Une sorte de remords l'étreignit. Il avait été trop loin. Il l'avait frappée en brut. Mais aussi pourquoi l'avait-elle exaspérée par ses reproches, son insistance, ses pleurnicheries? Il passa sa main sur son front comme pour se demander à quelle partie il allait s'arrêter. Il regarda un instant autour de lui. Puis, sa pensée se repentant vers Louise, qui à cette heure l'attendait, il fit un pas vers la porte. « Tu sors ?» demanda Amélie d'un ton de voix si douloureux qu'elle le fit se retourner. C'était la plainte du chien battu qui revient lécher la main de son maître. « Alors, continua la jeune femme, c'est bien entendu. Tu ne veux plus de moi. Oh, ne crains rien, je ne me plaindrai jamais de tes brutalités. Elles resteront un remords éternel pour toi et un souvenir terrible pour moi. Tu ne me trouveras plus comme aujourd'hui en travers de ta route. Mais je voudrais savoir si c'est entre nous le commencement d'une rupture définitive. Tu l'aimes donc bien, cette femme ?» Loin de toucher Chausse-Rouge, cette plainte désolée, en jetant de nouveau le nom de Louise dans la conversation, ne fit que confirmer la résolution du dompteur. Aussi bien, c'était une occasion de notifier une fois pour toutes à sa femme la nouvelle façon de vivre qu'il entendait désormais mettre en pratique. « Eh bien oui, je l'aime, là. Je l'ai dans le sang, et je l'ai qu'à regret, c'est de ne pas l'avoir connue plus tôt. Elle était faite pour moi, entends-tu ? Maintenant que tu es prévenu, ça te dispensera de m'espionner à l'avenir. Bonsoir, je vais la retrouver. » Et il partit en faisant claquer la porte. Restée seule, Amélie se demanda si elle avait été le jouet d'un rêve. Ses égratignures, la douleur sourde qu'elle ressentait à l'œil gauche congestionné et tuméfié, la convainquirent de la réalité de son malheur. Ainsi donc tout était fini, irrémédiablement. Il n'y avait plus d'espoir que son mari s'arrachât jamais des griffes de cette femme, dont elle savait la terrible réputation. Mais par quel sortilège, par quel charme avait-elle donc pu envoûter à ce point cet homme, qu'elle avait toujours connu bon, quoiqu'un peu brutal, pour qu'il en arrivât à la traiter comme il venait de le faire? Elle en avait le pressentiment. Dans cet amour funeste, sombrerait à la fois à son bonheur à elle et l'avenir même de l'établissement. Elle n'aurait plus désormais comme suprême et unique consolation à tant de déboires que la présence de sa chère petite Zézette, l'innocente à laquelle la conduite, ou plutôt la folie de son père, préparait un avenir si noir. Et elle passa le reste de la nuit en proie à ses pensées, les tempes martelées par une souffrance morale, pire que la souffrance physique qu'elle endurait.